bon après-midi à vous tous qui suivez la radio Isanganiro. Voici le journal à langue française dont voici tout d'abord les principales articulations. Et la route Bujumbura Nyamitanga est impraticable depuis le matin de ce dimanche. Le directeur de la planification, la direction des routes au ministère des Travaux publics tranquillise les usagers de cette route que très prochainement cette route sera praticable. À Bubanza, le gouverneur de la province de Bubanza estime que l'Institut universitaire public qui va ouvrir ses portes en cette province sera bénéfique pour le pays et pour cette province. Tarsis Niyongabo indique que plus les gens s'installent dans cette province, plus l'économie prospère. Sport, le lycée Don Bosco vient d'occuper la première place en championnat de basketball. Les écoles secondaires de la province Ngozi en battant le lycée de Kiremba sur un score fleuve de 203-4. Vous aurez les détails dans ce journal qui vous sera présenté par Elini Benibigira. La mise en onde est assurée par Aimé Toussaint Mitewutsi. Rebonjour. Les frais de transport ont été revus à la hausse depuis ce vendredi. Cela est contenu dans un communiqué conjoint des ministères de département assurant le transport des personnes et des marchandises. Cette hausse est de 7% sur les tickets de transport. L'inquiétude à signaler, c'est qu'il peut y avoir carence de l'argent du reste à donner aux passagers. Les détails avec Alida Ndaikit. Dans son communiqué signé par le représentant du ministère du Commerce, celui des Transports, celui du ministère de l'Énergie et des Mines, ainsi que les représentants des transporteurs, il est mentionné que la révision du coût du transport est due à l'augmentation des prix du carburant qui est de 7,14% pour l'essence super et le gazoil. Dans ce même communiqué, ce sont les 7% qui ont été ajoutés sur les tarifs des transports à l'intérieur du pays. À titre d'exemple, quitter Bujumbura pour se rendre à Kirundo ou Muyinga, les passagers payent 10 685 francs burundais, alors qu'à Makamba, c'est 9 500 francs. Pour arriver à Changuzo, les usagers des bus de transport donneront 13 065 francs. Pour le trajet Bujumbura-Bubanza, il est demandé 2 970 francs par tête. Dans les quartiers périphériques de la mairie de Bujumbura, les frais de transport ont été majorés de 7%, alors qu'au centre de la mairie, les prix sont passés de 350 francs à 380 francs burundais. Sur toutes ces variations des prix du transport, un problème peut se manifester, c'est le manque de la petite monnaie à remettre aux passagers. À titre d'exemple, pour la mairie de Bujumbura, dans un bus transportant 18 personnes, il y a 20 francs qui restent et le convoyeur peut gagner 360 francs pour chaque tour. Et les passagers qui doivent prendre la destination du centre du nord du pays indiquent que les chauffeurs de bus ne respectent pas les prix du ticket fixés par le gouvernement. Ceux qui se rendent à Gitega sont obligés de payer 6 000 francs au lieu de 5 935. Et ceux de Bubanza, au lieu de payer 2 970, ils sont contraints de payer 3 000 francs beau. Les transporteurs, quant à eux, expliquent qu'ils ne trouvent pas les petites pièces constituant le reste à remettre aux passagers. Tout à l'heure, on va revenir sur cet élément. Un certain Naraguma, claveur de Ruranga, commune Bukemba de la province de Rutana, a été tué par la population ce samedi. Certains habitants de cette localité sont mis à la poursuite après avoir constaté le corps de sa femme gisant dans une mare de 120 mètres de leur maison, selon le commissaire provincial de police à Rutana. Il informe que la police a été avertie après la mort de cet homme des coups de gourdin et a immédiatement arrêté deux chefs collinaires pour établir les responsabilités et saisir la justice. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Je vous le disais tout à l'heure, le gouverneur de la province de Bubanza estime que l'Institut universitaire publique qui va ouvrir ses portes en cette province sera bénéfique pour le pays et pour cette province. Il le dit après que cet institut ait été officiellement lancé ce samedi, selon Tarsis Niyongabo. Plus, Plus les gens s'installent dans cette province, plus l'économie s'accroît. Suivez-le. Il a été joint au téléphone par Ornella Mucho. Et le campus universitaire Doña Mugherera qui va ouvrir ses portes bientôt, et c'est un campus de l'université du Burundi. Et la valeur ajoutée que ça va donner à la population de Bubanza, c'est que d'abord ces élèves qui vont étudier à Nyamugherera ne seront pas logés par l'université, mais ils vont louer les maisons des particuliers qui sont construites autour du campus de Nyamugherera. Et cela, c'est un atout, c'est un avantage pour les habitants de cette localité qui ont construit les maisons. En plus, il y aura le commerce. Ils auront besoin de restauration, de manger, de vivre avec la vie quotidienne. Ils auront besoin de faire quelques achats et ça va augmenter, je dirais, la demande dans cette localité. Et une autre, je dirais, valeur ajoutée, c'est que le pays va en bénéficier beaucoup. La faculté de statistique n'existait pas dans les universités que connaît le Burundi et le Burundi jusqu'à aujourd'hui. Alors, cette faculté, les lauréats de cette faculté permettront au pays de mieux s'organiser, de bien planifier les activités de tous les domaines de développement en sachant justement le nombre exact pour qui le pays planifie les infrastructures publiques pour répondre aux besoins de la population, mais aussi pour le développement d'une manière générale. Tarsis Niyongabo, il est gouverneur de la province de Bubanza. Restons toujours dans cette même province. Toujours cette localité, la direction des routes au ministère des Travaux publics tranquilliser les usagers de la route Bujumbura-Nyamitanga, que bientôt elle sera praticable. Le directeur de la planification routière indique que les travaux de réhabilitation de la dite route sont en cours, même si ce n'est pas facile pendant la saison des pluies abondantes. Ingénieur Vincent Bakirenzo Isaba demande aux passagers de patienter. On l'écoute. Je ne dirais pas que c'est impraticable. C'est une route qui était endommagée depuis longtemps, mais quand même, on a eu les moyens pour la réhabilitation de cette route. Au moment où je vous parle, on est en train de faire la réhabilitation de cette route. Il y a l'entreprise Sojas Atom qui est en train de faire cette réhabilitation. Bien évidemment, quand on est en train de réparer une route, il y a des défis. Et surtout, durant cette période de pluie, il y a des déviations qu'on crée à gauche, à droite. C'est par exemple au niveau des ponts, au niveau des infrastructures, il y a des déviations. Alors, il peut y arriver que les utilisateurs de cette route ne soient pas à l'aise suite à ces déviations. Mais quand même, ce sont des déviations qu'on fait pour que les utilisateurs, les usagers de cette route soient bien à l'aise plus tard. Il est vrai, pendant cette période de pluie, on a essayé de faire les déviations. Il peut y avoir que les véhicules, par exemple, tombent dans les bouts. C'est tout à fait normal. Quand on est en train de réhabiliter, c'est tout à fait normal. Mais quand même, bientôt, ils seront soulagés. Pour combien de temps peuvent patienter? Quand on a déjà commencé, la population doit avoir la patience. Mais quand même, ça ne va pas durer beaucoup de temps. Il y a le temps contractuel que nous avons avec la Sojas Atom. Il peut patienter un peu. Très bientôt, très prochainement, on va terminer ces travaux. La ministre de la Santé dit être au courant du problème de scanners non fonctionnels depuis 4 mois. Le docteur Josiane Nijimbele précise qu'il y a un contrat de maintenance de cet appareil avec des services de l'extérieur du pays. Elle l'a dit ce vendredi lors de la présentation des réalisations de ce ministère au cours de l'année 2017. Suivez-la. Il y a un contrat de maintenance de cet appareil avec le HMS. Je pense qu'ils ont déjà réparé. Mais il est tombé en panne comme tout autre appareil qui peut tomber en panne. Et il y a un système de réparation des équipements médicaux. Seulement, ici, on n'a pas le réparateur. Il vient de l'extérieur. C'est pourquoi parfois ça traîne dans la réparation. Mais nous invitons aussi celui qui a gagné son marché de tout faire pour qu'à chaque fois que l'appareil tombe en panne, que les appareils tombent en panne, spécialement ça, pour que la réparation soit vite faite. Le ministre s'exprimait sur un appareil scanner non fonctionnel de l'hôpital de référence de Karusi. Ce sont les propos recueillis par Joseph Sabiabandi. Le côté sport, le lycée Don Bosco vient d'occuper la première place au championnat de basketball des écoles secondaires de la province Ngozi en battant le lycée Kilimba Nord sur un score fleuve de 203-4. Ce championnat prouve, selon le responsable technique du sport, Ngozi, que le basket est plus développé au chef-lieu de la province qu'à l'intérieur. Les détails avec Apollinaire Mozagar. La finale provinciale de basketball a opposé les joueurs du lycée Don Bosco à ceux du lycée Kilimba Nord côté garçon. Et au début du match, jusqu'à environ 4 minutes de la fin, le lycée Don Bosco a dominé lamentablement Kilimba Nord. À 4 minutes de la fin, le jeu a été interrompu car presque tous les joueurs du lycée Kilimba Nord étaient disqualifiés. Ils avaient déjà commis 5 fautes chacun et il ne restait donc qu'un seul basketteur du lycée Kilimba Nord dans le terre. Le responsable technique du sport au niveau des écoles secondaires en province Ngozi parle de l'application du règlement de ce sport. Le lycée Don Bosco avait déjà marqué 203 points contre 4 seulement du lycée Kilimba Nord. Au terme de ce championnat, le constat est que le basketball est plus développé au chef-lieu de la province Ngozi qu'à l'intérieur des communes, indique le Mouad Ndaïsaba, le responsable sportif de Ngozi. Des scores pareils et étonnants avaient également eu lieu dans ce sport il y a entre 5 et 7 ans. Le lycée Don Bosco, au niveau du basket féminin, a battu le lycée Boukéye 97 points contre 0. Le lycée Mouyebe a croisé le fer avec le lycée Kiwimba, toujours au basket féminin, et score final 1 point à 0. Don Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire. Grogne des parents et enseignants et à leurs ayant leurs enfants dans le poste fondamental, ils disent payer du Minaval comme les autres, alors qu'une ordonnance ministérielle de 2002 précise que les enfants des enseignants bénéficient d'une gratuité scolaire, ce que rejettent certains des économes de Lumongue. Nous appelons Jean-Pierre Misako. Selon certains directeurs d'école qui ont des niveaux d'élèves qui paient le Minerval à Lumongue, la direction provinciale de l'enseignement à Lumongue vient de fixer à 3 000 francs burundais par élève externe d'un enseignant et par trimestre, c'est-à-dire 7 000 francs burundais récemment fixés par le ministère de tutelle, moins 4 000 représentant les frais du livre et de laboratoire et le Minerval, et cela en se référant à l'ordonnance ministérielle de 2002 accordant certains avantages à l'enfant d'un enseignant. Or, la perception des frais de livre et de laboratoire avait été déjà suspendue. Alors que certains parents enseignants voudraient que l'argent indûment payé leur soit remis, certains directeurs d'école disent que la communication leur est parvenue alors que le Minerval du premier trimestre était déjà payé et utilisé. De son côté, l'économe du lycée Rumongue, la seule à régime d'internat dans cette province, a continué à percevoir même au deuxième trimestre le Minerval tel que récemment fixé par le ministère de son ressort, c'est-à-dire 7 000 francs burundais pour l'élève externe et 15 000 francs burundais pour l'élève interne. Pour lui, l'ordonnance ministérielle en vigueur ne dit rien sur les enfants des enseignants. Seulement, les enfants des enseignants ne sont plus envoyé en attendant que leur cas soit élucidé. Rémi Sengiumba, le représentant national du syndicat STEB, dit que l'ordonnance ministérielle de 2002 accordant des avantages aux enfants des enseignants reste en vigueur. Jean-Pierre Misago de Kurumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre. Terminons son journal d'Obobanza. La route Bujumbura-Cibitoke, la RN5, reste impraticable depuis ce matin, comme je vous le disais tout à l'heure. La rivière Kajeke débordait depuis 2 jours à Devier. Son lit initial et passe par la route entre la 4e et la 5e transversale de Gihanga. Aucun véhicule ne passe. Les engins de la société Sogea Satom sont en train d'essayer de la réparer. De Bubanza, Spescaritas, Kawanyan. La RN5, la route Bujumbura-Cibitoke, est impraticable depuis le matin de ce dimanche. La rivière Kajeke, qui a débordé suite aux pluies intenses de ce vendredi, a perdu son lit et passe par la route pour se déverser dans la Rusizi à travers la réserve naturelle de la Rukoko. La circulation est interrompue depuis ce dimanche matin. Les poquets de la société Sogea Satom sont en train de faire le curage et réparer la route. Un travail très difficile selon les travailleurs de cette société parce que l'eau est abondante dans la route. Une longue file de véhicules, de moteurs et de vélos attendait sur les deux côtés, fait venir de Bujumbura et fait venir de la province de Cibitoke. Les passagers qui étaient pressés n'avaient pas d'autre choix. Ils étaient transportés sur le dos par les jeunes gens qui sont sur place depuis deux jours pour rejoindre l'autre côté de la route et continuer le trajet. Les chauffeurs qui n'ont pas voulu passer beaucoup de temps à attendre que la route soit réparée ont pris un autre itinéraire. Pour ceux de Cibitoke, il y passait par Gihungwe, Buramata, Randa, Manda, Muzinda, Bujumbura. Ceux de Bujumbura font la même chose, mais avec plus de 30 km de plus par rapport au trajet habituel. Merci Spes, mais on souligne qu'on vient d'apprendre que cette route vient d'être débloquée. Et bien voilà, c'est par ici qu'on va mettre fin à cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci à Emet Oussam Intebouti pour sa parfaite collaboration technique. Edini Ben Nimigira qui vous l'a présenté. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi dominical à tous. Au revoir.